Le canal Saint-Martin est gelé. Moi je voulais m'y jeter dans tes bras, mon cœur ami, mon corps en grève. J'ai les doigts qui me disent qu'ils veulent partir, et la tête qui me demande pour que ça s'arrête, elle s'inquiète. Et moi je suis là, au milieu de tout ça, je te vois, je t'envoie ma voix qu'à voix comme ça. Oh, le canal Saint-Martin a coulé, moi je voulais l'avaler. À vouloir te voir chaque soir, j'ai vidé les bars du quartier. J'ai les doigts comme vis qui tournent aux vis, les vis dans cette tête qui peut-être n'est pas la mienne en fait. Et les mois qui passent te portant dans leurs bras effacent les traces des jours où je vivais mon amour. Ce canal Saint-Martin s'est envolé, moi je voulais m'y accrocher pour dans les airs nager et ainsi t'oublier. Dans son lit déserté, une péniche était échouée par le hublot. J'ai regardé et je t'ai vu danser, et de mes poings qui cognaient, des larmes ont coulé. Dans le canal, l'eau a poussé et la péniche s'en est allée. Mais il s'est trompé.